Bande ponamboka Boyambani lisa puyabana kumputue Boyo nalulaki Na yesambangu Bande la boyo kangai na kozemba Melodi oyo loyembo ya grand prêtre Ata bosi lisi ngai na kotiola Nyangada enga mbeba ima Ata bolongi etumba ya gozu yeo Enga mbea zalina ye mabele Oh Didier Bongale Écoute moi ça mon cher Nzambe salanga mbala mibale Salanga lisuso pesa manso ekoki Ngai nalela nanani Pasi ya motindo boye nazwa talisa lisite Nzambe Nzambe salanga mbala mibale Salanga lisuso pesa manso ekoki Oyanga bolingo ekomi ya malechance Naluka kana zuwa kana ngai tenzi makanda Bango nyoso tokola na bango mba bombai Batonda bomengo ngai kaka boye Regine Tabi Yosa Nicolo Trop Depêche-toi d'arriver, je t'aime trop Depêche-toi d'arriver, je t'aime trop Poème d'amour Au paradis sans toi les oiseaux chantent fort dépêche-toi d'arriver je t'aime trop dépêche-toi d'arriver je t'aime trop Mais t'es qui nini Au paradis sans toi les oiseaux chantent fort Pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense Souza, Yonde résident.